Du grand Turc, je n'ai souci, ni du grand Tartare aussi. L'or ne maîtrise ma vie, au roi je ne porte envie. Je n'ai souci que d'aimer moi-même et me parfumer, et qu'une couronne de fleurs de chef. Ni le soleil, ni la lune, ni le jour.